Métier de nuit, de Andrei Kourkov. Adaptation Julie Guichard. Réalisation Pascal Deux. Cinquième épisode. Fable politique et chimérique, où des dizaines de vies se croisent dans les recoins de l'hiver ukrainien, le laitier de nuit poursuit sa route. Vera et deux hommes ramènent Irina de force au centre de nutrition. Yegor s'en mêle et la fait licencier. Semyon se renseigne sur la mort du pharmacien, alors que Véronica accompagne la veuve à la pharmacie qui vient d'être cambriolée. Dima, lui, rencontre un milicien à la recherche des ampoules mystérieuses pour son frère malade et apprend du même coup la mort de Genia et la disparition de Boris. Entre-temps, Valia lui annonce qu'il va être père. Une bonne nouvelle n'allant pas sans une mauvaise, il se retrouve au chômage forcé après la disparition de son chien et manque de s'asphyxier dans sa voiture. Il est sauvé in extremis par son chat Mourik, revenu d'entre les morts. Ainsi, les histoires continuent. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Irina trouva le message de Yegor et le lut. Irina, tu as été licenciée. Tu n'as plus besoin d'aller à Kiev. Je passerai demain matin vers 11h et je t'expliquerai tout, Yegor. Elle était dans la chaufferie, les cheveux lavés et coiffés quand on frappa à la porte d'entrée. Ce n'était pas Yegor qui se tenait sur le seuil, mais la vieille infirmière, Vera. Campée à ses côtés, un peu en retrait, deux hommes au crâne rasé, au visage quelconque et peu avenant, vêtus de longs manteaux de cuir noir. Vera ? Irina, je dois tirer ton lait. Je vais le faire ici, j'ai pris ce qu'il fallait avec moi. Excuse-moi, c'est pas pour le plaisir. Entre. Attendez-moi ici. D'accord, traîne pas. C'est même pas la directrice qui nous envoie. C'est le client qui a fait tout un scandale. Il a menacé de toutes nous faire renvoyer s'il n'avait pas ton lait. Il y est habitué. Faut croire que le tien a un goût particulier. Le client? Mais quel client? Gennady Ilitch. C'est un homme très important. C'est avec des hommes à lui qu'on m'a envoyé ici. Je sais même pas comment les choses vont se dérouler maintenant. Allez, voilà. Une vingtaine de minutes plus tard, quand la pompe eut vidé la poitrine d'Irina jusqu'à la dernière goutte, l'infirmière rassembla ses affaires puis s'en alla, sans prononcer un mot, sans un regard. À son arrivée, Yegor trouva Irina en pleurs et sa mère d'une pâleur inhabituelle, l'air terrorisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Yegor! Raconte-moi, calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont obligé! Ils ont pris mon lait. Ils sont partis. Calme-toi. Bon, écoute. Il te faut un portable. Hein? Demain, je t'en achète un. S'il se passe quoi que ce soit, tu m'appelles. D'accord? Tu m'as compris? Tu m'appelles. Oui. S'ils reviennent, tu leur ouvres pas. Et tu me préviens immédiatement. Oui. C'est compris? Oui. Dis-moi que t'as compris. J'ai compris. Allez, assieds-toi maintenant. Oui. Assieds-toi. Là. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Au matin, Semyon avait mal à la tête en se réveillant. La veille, Volodka s'était mis en pétard en entendant Semyon qualifier de farce son histoire de blonde. Tandis qu'il enfilait son anorak, Semyon découvrit soudain la couronne mortuaire posée par terre dans le couloir. Véronica entra à cet instant. Ah, dis donc, t'es tout pâle. Je vais faire un tour. Ouais, quel jour aujourd'hui? Dimanche? Non, samedi. Daria a oublié sa couronne mortuaire. Hein? Hier, sa pharmacie a été cambriolée. On est allés ensemble ensuite. Qu'est-ce qu'on lui a volé ? Je sais pas. Les médicaments semblaient tous à leur place. Il devait trafiquer de la drogue ? Mais pas du tout. Il expérimentait des nouveaux remèdes. Pour rajeunir ? Pour tout. Hier, Daria Ivanovna et moi, on a trouvé sa cachette. Celle que les voleurs devaient chercher. Ah bon ? Et il y avait quoi dedans ? Des carnets, des formules chimiques, des bocaux, des ampoules. Même un bloc-notes avec des dessins érotiques. Daria Ivanovna me l'a offert, tu veux que je te le montre ? Non, c'est pas la peine. Est-ce que tu es sûre qu'il a été tué ? Je l'ai vu mort de mes yeux. Je dois m'absenter une petite heure. Ah bon ? Ça va, Volodka ? Eh ben, regarde. L'enveloppe contenait des photographies. Sur toutes, Sémione figurait en compagnie de la femme blonde. Voilà. Sur les deux dernières, ils se tenaient enlacés et s'embrassaient. Alors, c'est une farce ? Avant-hier, tu as passé 3 heures chez elle, dans son appartement, la nuit. Qu'est-ce que tu as fabriqué, à ton avis ? Sémione ne répondit pas et se contenta de regarder son ami. Une fois seul, il composa sur son portable le numéro des renseignements et demanda l'adresse d'un psychiatre exerçant dans le centre. Il n'eut aucun mal à trouver le cabinet du docteur Naïtov. Alors, racontez-moi. J'ai des problèmes. Je vous écoute. Je crois que je suis somnambule. J'ai demandé à un ami de me suivre et il m'a appris que je sortais la nuit pour retrouver une femme. Elle est sans aucun doute une de vos collègues de malheur ou de bonheur. Tout dépend de quel point de vue on se place. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Allongez-vous, s'il vous plaît. Regardez ce crayon dans ma main et suivez-le attentivement. Comme ça. De gauche à droite. Très bien. De gauche à droite. Voilà. Très bien. Je vais prendre votre pouls. Ok. Maintenant, levez-vous. Tenez-vous face à moi. Comme ça ? Oui. Placez votre main en dessous du crayon. Lorsque je lâcherai le crayon, vous devez le rattraper entre votre pouce et votre index. D'accord. Prêt ? Oui. Parfait. Vous êtes en pleine santé. Allez vous rasseoir. Aucun signe de pathologie psychique. Quant à votre somnambulisme, vous rappelez-vous quand ça vous est arrivé pour la première fois ? Non, je me souviens pas. Enfin, si, quand j'étais petit, il m'est arrivé des trucs comme ça. Ma mère disait que je me promenais dans l'appartement les yeux ouverts. Presque tous les enfants connaissent des épisodes de somnambulisme, c'est normal. Mais après l'enfance ? Non. Vous êtes marié ? Oui. Si votre somnambulisme vous gêne, vous pouvez demander à votre femme de verrouiller la porte d'entrée la nuit, de manière à ce que vous ne puissiez pas sortir de votre appartement. Si les crises ne sont pas intenses, tout ce qui vous arrivera sera de vous réveiller de temps à autre et, comme dans votre enfance, de vous balader à travers votre appartement. Vous habitez à quel étage ? Au 3e. C'est dangereux. Vous pourriez installer des barreaux à vos fenêtres ? Non. Voyez-vous, le somnambulisme est pour ainsi dire incurable. On peut l'étouffer durant un certain temps, mais c'est le genre de cas où lorsqu'on comprime en un point, ça ressort en un autre. Et cette femme que je retrouve la nuit, vous dites qu'elle serait elle aussi somnambule ? Oui, mais je vous conseille de ne pas chercher à la rencontrer le jour. Le psychisme des femmes est beaucoup plus fragile que celui des hommes. La séance prit fin. Sémione sortit dans la rue. Il ressentit alors une incroyable légèreté. Il réfléchit et comprit. Il avait envie de voir Alissa. de la voir de près. Borispol, rue du 9 mai. Ce matin-là, Dima entendit, provenant de la cour, le grognement déplaisant d'un chien. Collant sa joue contre la vitre froide, il aperçut le pitbull du voisin. Le chien venait juste de faire ses besoins et piétinait à présent à côté du jeune pommier. Dima s'empara d'un balai brosse et d'un bond se trouva dehors. Le chien ne fut nullement effrayé, il prit son élan et se jeta sur Dima. À ce moment se produisit un phénomène étrange. Dima se retourna vivement et vit Mourik se jeter sur le chien. Le chat avait planté griffes et crocs dans la nuque du pitbull. À la manière d'un boxeur, il le frappa de sa patte droite, toute griffe dehors, et Dima vit le pelage ras du pitbull se zébrer de 3 sillons de sang. Le chien sauta en l'air très haut pour atterrir sur le dos de son adversaire, écrasant le chat sous son poids, lui enfonçant la tête dans la neige. Dima prit conscience que le chat était perdu, que Mourik ne ressusciterait pas une seconde fois. Alors il abattit de toutes ses forces son balai sur la tête du chien. Le pitbull laissa retomber sa gueule ensanglantée dans la neige. Dima le transporta dans un sac de pommes de terre jusqu'à l'immeuble abandonné et le jeta dans le puits. Une fois de retour, il emporta Mourik au garage et l'installa sur un matelas de vieux pull à côté du radiateur allumé. Se rappelant que son mourlot aimait le contenu des ampoules, il en sortit une qu'il vida dans l'assiette sale. Région de Kiev, district de Makarov, village de Lipovka. Irina s'était levée ce matin-là plus tard que d'habitude et se sentait beaucoup plus fraîche. Elle entendit dehors une voiture s'arrêter. Elle regarda par la fenêtre et vit deux hommes pousser le portillon, suivi de Vera muni de son cabas. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Elle est où, Irina ? Dis-lui de venir tout de suite. Dans sa chambre. Je suis là. Pardon, laissez-moi passer. Tu nous compliques la vie. Si tu ne te présentes pas au boulot demain matin à 7h, tu risques d'avoir de gros problèmes. De toute manière, on te retrouvera n'importe où. On n'a pas le choix, Irina. Une fois la poitrine de la jeune femme soulagée, Vera, toujours sans un mot, rangea le tout dans son sac et sortit. Allô, Yegor ? Ils sont revenus. Ok, je m'en occupe. Elle ne put voir combien Yegor était pâle quand il rangea son portable. La colère, la lourde et obsédante colère ne le quittait pas. Il gagna l'autre côté du parc. Cette partie-là était placée sous la surveillance de son collègue Sergueï, grand amateur de chasse. Yegor, qu'est-ce que tu fais là ? T'es pas encore de service ? Je passais dans le coin. Ça va pour toi ? Affirmatif, c'est plutôt calme. Dis, tu pars chasser ce week-end ? Pas sûr. Mais la semaine dernière, j'ai pisté un lièvre magnifique. Eh ben, tu me donnes envie. T'aurais pas un fusil à me prêter pour 2-3 jours ? Je suis encore amateur, alors avec une bonne visée, si t'as. Bien sûr. Passe ce soir, je te montrerai 2-3 trucs. Le matin suivant, la voiture s'arrêta de nouveau dans la cour. Vera et les deux mêmes hommes entrèrent sans un mot et tout se répéta comme la veille. Irina regarda tristement la voiture s'éloigner, appela Yegor et retourna auprès de Yassia. Yegor, pendant ce temps, s'était embusqué sur le bas-côté de la route, derrière un haut tas de neige sale, une carabine dans les mains. 6 ou 7 minutes plus tard, il aperçut la BMW bleu marine. Il braqua son arme sur la voiture, et sitôt que la roue avant se dessina dans la lunette, il pressa la détente. Celle-ci explosa en pleine course. La voiture dérapa sur la droite et effectua 3 tonneaux avant de heurter le pied métallique d'un énorme panneau publicitaire. De la fumée s'échappait du capot, relevé et plié en accordéon. La vieille infirmière roula sur le sol. Son visage était en sang, mais elle respirait encore. De la vapeur s'évadait de sa bouche. Elle serrait solidement entre ses mains un cabas déchiré d'où un filet de lait s'échappait pour aller se perdre dans la neige. Kiev, rue Reiterskaya, appartement numéro 10. Vers 9h le lendemain, après avoir bu son café et pris une douche brûlante, Véronica téléphona à Daria Ivanovna. Celle-ci lui demanda de venir la rejoindre le plus vite possible. Que se passe-t-il, Daria ? J'ai des problèmes avec mon Edik. Des problèmes ? Viens, je vais te montrer. Regarde ces pantoufles. Elles sont pleines de boue. Mais comment est-ce possible ? Et regarde, sur la moquette et jusqu'au couloir. Il y a des marques laissées par les pantoufles. De la boue encore. Mais oui, c'est de la boue. Tu sais, j'avais un peu de joie à le voir assis dans son fauteuil. Ni chair, ni poisson. Mais ces traces par terre. Une horreur. À présent, je suis pleine de doutes. Mais parlons un peu de ton mari. J'ai besoin de me distraire. Oui. Ah, mon voisin s'est pris un cocard. Tu sais, Igor ? Ah oui, le type insignifiant. Oui. Il était sorti la nuit pour suivre Semyon. Mais pourquoi le suivre ? Et c'est moi qui lui avais demandé. Il arrive que Semyon quitte la maison au beau milieu de la nuit. C'est son boulot qui veut ça. Il travaille dans la sécurité. Et moi, j'avais des tas de soupçons. C'est ton mari qui l'a amoché ? Non. Quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui le surveillait aussi. Ah, c'est toi. Tu as de la chance. Pourquoi ? Le tien est encore vivant. Je crois que je vais me séparer du mien. Il a une place au cimetière. Je ferais mieux de le laisser reposer à la profondeur légale. Hmm. On verra comment il s'y prendra pour aller se promener la nuit. Peut-être que tu as raison. Un homme vivant, c'est sans doute mieux. Ouais, ça se discute. Tout dépend de la chance qu'on a. Ouais. On peut aussi avoir de la chance dans la vie, mais ne s'en apercevoir que plus tard, une fois veuve. Quand elle rentra chez elle, Véronica décida de sortir le cahier du pharmacien que lui avait remis sa veuve et s'installa avec à la table de la cuisine. Les pages qui n'étaient pas noircies d'une écriture illisible étaient couvertes de dessins érotiques. Elle sentit poindre en son cœur un curieux sentiment de jalousie à l'égard de l'inconnu que le défunt pharmacien avait représenté avec tant de délicatesse au moyen d'un simple crayon noir. Puis elle se plongea dans le texte manuscrit et s'appliqua à en déchiffrer l'écriture. La troisième expérience avec l'antifrousse n'a pas conduit au résultat escompté. Au lieu d'éprouver un élan d'audace, le patient voit son sens de la justice exacerbé. Il semble qu'il faille s'orienter vers l'audace animale et non consciente. Yulia me presse. Elle m'a fait remettre par Alissa une nouvelle somme d'argent accompagnée d'un message de menace. Elle a peur que je me laisse acheter par quelqu'un d'autre. Borispol, rue du 9 mai. Dima, cette nuit-là, n'arrivait pas à dormir. Il finit par se lever sans bruit et se rendit dans le garage. Le chat aussitôt se leva et regarda son maître entre ses paupières mi-closes. Dima caressa Mourik, son mourlot, et remarqua qu'il n'y avait plus de traces de sang sur son pelage. Il sortit une ampoule et versa le contenu. Le chat tendit aussitôt le cou et de sa langue nettoya l'assiette. Dima sentit s'évanouir l'inexplicable anxiété qui le taraudait. Il rentra chez lui et retourna se glisser sous la chaude couverture. Dima ouvrit les yeux et comprit qu'il faisait jour et que Valia était depuis longtemps partie au boulot. Il vit au dehors le milicien de l'autre jour, son récent acheteur d'ampoules, qui lui faisait de grands signes de la main. J'ai besoin de rencontrer ce type de la milice, celui qui vend les ampoules. Qu'est-ce qui se passe ? Mon frère, pour qui j'avais acheté le médicament, il est mort. Du cancer ? Non. Il s'est jeté à main nue sur 3 bandits armés. Ils étaient en train de forcer la femme d'un businessman à monter dans leur jeep. Elle criait à l'aide. Tous les autres passants changeaient sagement de trottoir, enfin comme des gens normaux. Mais lui, il s'est précipité à son secours. Et ils l'ont tué. Ça veut dire que vous avez plus besoin des médicaments, alors? Non, évidemment, j'en ai plus besoin. Ce dont j'ai besoin, c'est de ce type de la milice. Mais je peux pas livrer cet homme comme ça, moi. Je dois d'abord l'appeler, lui expliquer qui veut le voir et pourquoi. Alors je vais devoir te livrer, toi. Et les autres gars auront vite fait de t'extraire de la mémoire le nom de ce flic. Mais quels autres gars? De quoi vous parlez? Des gars sérieux. D'un autre service. Ils étudient en ce moment tous les cas de courage civique survenus dans le pays. Ils ont perquisitionné chez mon frère après sa mort et ils ont trouvé les ampoules. Après, ils sont venus chez moi. Et ils ont demandé à ma femme où je les avais achetées. Ils ont dit que les ampoules avaient été dérobées à un laboratoire secret et que l'homme qui travaillait sur ce médicament avait été assassiné. Ils ont raconté qu'avec ce produit, les gens deviennent maboules. Le sentiment de justice chez eux grandit et plus rien ne leur fait peur. Ah merde alors. Mon frère aîné était un vrai trouillard. Crois-moi, jamais dans son état normal, il n'aurait couru au secours de personne. Mais alors quoi? Ils veulent arrêter le type qui vend les ampoules? Ils aimeraient bien lui causer, oui. Mais Boris, le bagagiste, ils ont parlé avec lui. Ils l'ont déjà retrouvé. Mort. Je doute qu'il leur apprenne grand-chose. Vous me faites peur. Moi aussi j'ai peur. J'ai une femme et une gosse de 18 mois. Allez. Qui t'a fourni ces ampoules? Je peux rien dire. Bah, comme tu veux. Mais ce soir, ils reviendront chez moi et je les enverrai ici. Après le départ du milicien, Dima ferma la maison à clé et s'en fut au garage. Il s'installa au chaud à côté de Mouric et bientôt il se sentit mieux. Il pensa à s'enfuir. Il s'imagina, avec Valia, rassemblant le strict nécessaire avant de quitter Borispol en pleine nuit. Mouric Mourlot se traîna jusqu'à lui pour se frotter contre ses jambes. Dima saisit une ampoule, en brisa l'extrémité d'une pichenette et la vida dans l'assiette. Ses yeux se posèrent sur l'ampoule vide. Il prit l'objet dans sa main et le porta à son nez. L'odeur douceâtre de valériane lui frappa les narines. Il sortit une autre ampoule. De l'ongle, il la brisa, expira un bon coup et vida le liquide dans sa bouche. C'était « L'étier de nuit » de Andrei Kourkov. Avec Sophie Doll, Frédéric Pierrot, Olivier Clavry, les narrateurs. Et Robinson Stevenin, Fabrice Pierre, Valérie Moinet, Clara Noël, Émeric Le Serre, Marie Daude, Florent Schepp, Olivier Cruveillé, Luce Mouchel, Christophe Audan, Béatrice Champagnier, Dominique Parent, Paul Janson, David Gouillet, Bertrand de Rofignac, Christina Crévillenne et les voix de Jean Ocotrel et Pauline Moulaine. Musique originale, Damien Salençon. Violon, Claire Bussel. Accordéon, Jean-Pierre Ménager. Contrebasse, Emmanuel Camus. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset, Emmanuel Arming. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Pascal Deux. L'étier de nuit de Andrei Kourkov, traduction Paul Lequen, est publié aux éditions Liana Levy. Chaleureux remerciements à Félix Blum et Patrick Pitavino.